Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. Cinquième épisode. Sofia Simeonidis, la grande cantatrice, a disparu depuis plus de 3 semaines. Dans le voisinage, plus personne ne croit à une escapade romantique avec un amant retrouvé. Pourtant, Pierre, son mari, n'a toujours pas porté plainte. Mais l'arrivée d'Alexandra, la nièce de Sofia, va changer la donne. Quand elle découvre que Pierre n'a pas signalé la disparition de sa femme à la police, elle décide de le faire à sa place pour le plus grand bonheur de nos enquêteurs amateurs. C'est alors que la police découvre un corps calciné, difficile à identifier, mais qui pourrait bien être celui de la cantatrice. Je n'imaginais pas que ce serait toi qui m'emmènerais à Maison Alfort pour la première fois de ma vie, Le Guenec. Ah bah, tu vois. Alors, raconte. Les pompiers ont été appelés cette nuit pour un violent incendie. Des témoins ? Rien du tout, pas un chat. La ruelle est complètement à l'abandon, elle doit être rasée. Tiens, c'est par là, sous le pont. Attention, tu mets les pieds. Impressionnant, hein ? Le feu a été maîtrisé vers 3h du matin. Au milieu des décombres, on a retrouvé 3 voitures en cendres. Et dans l'une d'elles, un corps carbonisé. Et tu penses que ce serait Sofia Simeonidis ? Difficile à dire. Un corps est impossible à identifier. Tout a été réduit en poussière, même les dents ont éclaté. Mais qu'est-ce que Sofia serait venue faire dans un endroit pareil ? La seule chose qu'on a retrouvée, c'est des sortes de petites concrétions d'or fondu sur le siège passager. Comme des anneaux ou une chaîne. Probablement les vestiges du contenu d'un sac à main. Oui. En gros, l'endroit était particulièrement bien choisi. C'est ça. Justement, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Tu savais que Sofia Simeonidis était riche? Riche? Riche, dans le genre très riche. Largement assez riche pour que ça soit dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, j'ignorais. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Ah, c'est aussi ce que je me disais. J'ai dressé la liste de tous ceux à qui sa mort pouvait profiter. Et on a 3 gagnants. Son mari? Ouais, ça c'est sûr. Il a une maîtresse. Et puis il se donne un air important, mais en réalité, il est à la merci de la moindre fluctuation politique. Olivo, haut fonctionnaire, ne s'attendait peut-être pas à être Monsieur Simeonidis. Beaucoup d'égos masculins ne supporteraient pas d'être dans l'ombre de leur femme. Ouais. Ensuite, il y a un petit nouveau, le père de Sofia. Il habite Dourdan et, comment dire, il est assez passionné par sa fille, à la limite de l'obsession. Il ne manquait pas un seul de ses concerts. C'est d'ailleurs à l'Opéra de Paris qu'il a rencontré sa deuxième femme. Son fils à elle était figurant, ils se sont retrouvés assis côte à côte et de fil en aiguille. La magie de l'opéra. Mais s'il adorait Sofia, pourquoi la tuer? Ça ne tient pas. Je te l'accorde, pour l'instant je fais le constat. Je dresse la liste des héritiers de Sofia. Le père n'est pas riche. Et surtout, il n'est pas tout seul. Sa deuxième épouse traîne toujours son fils. Un grand mou de plus de 40 ans qui vit à leur crochet. Et ça pourrait être une piste sérieuse? Je sais pas trop. Il a déjà monté des petites combines tordues, il s'est fait choper pour des escroqueries à la con. Il a toujours été relâché, hein. Mais bon. Et le troisième? Le troisième ne va pas te plaire. T'as bien vu dans quel état est Alexandra? Tu l'imagines un seul instant buter sa tante avec son homme sous le bras? C'est pas très vraisemblable. Eh oh, moi aussi, hein, ça me chiffonne. Don't kill the messager. Je vous explique simplement ce que Le Guenec et ses gars vont se dire. La jeune et mignonne Alexandra est seule avec son fils depuis 1 an. Elle décide de venir à Paris chez sa tante fortunée qui accepte de l'aider. Et puis, petit à petit, le temps que le voyage s'organise, cette jeune femme désespérée, se met à jalouser la vie facile de sa tante. Elle se dit qu'elle pourrait peut-être trouver une occasion qui lui permettrait à la fois de se venger et de les mettre, elle et son fils, à l'abri du besoin. C'est n'importe quoi ! Hé, les gars, parlez doucement, vous allez réveiller Alexandra. Elle est épuisée, faites un petit effort. Tu pars bosser ? Juliette ne ferme pas ? Non, je bosse pour deux, elle tient à peine sur ses jambes. Et si tu pouvais aussi rapporter du pain ? On est plus de bouches à nourrir que d'habitude, au cas où ça vous aurait tous échappé. Ça marche. En tout cas, c'est n'importe quoi. Oui, bon. En tout cas, le Guénec a appelé la mère d'Alexandra. Elle était bien au courant du projet de sa fille de venir à Paris, mais le seul petit détail qui cloche, c'est qu'elle ne savait pas que c'était chez Sophia qu'elle devait aller. Alexandra lui a raconté qu'elle allait chez une amie. Oui, mais en tout cas, ça veut rien dire. Eh, oh, on ne la connaît pas vraiment, cette fille. Ce n'est peut-être pas une bonne idée qu'elle loge chez nous, en tout cas. Alors, c'est oui ou c'est non, monsieur Oliveau ? Oui, j'ai une maîtresse à Paris, et non, ma femme ne le savait pas. Mais je ne vois pas ce que ça... Écoutez, à côté de ce que je traverse, ça m'a l'air d'être l'élément le moins intéressant du monde, non ? Non. Pas quand on sait que vous héritez d'un tiers des biens de votre femme et que c'est une somme énorme. Mais si j'avais été intéressé par l'argent, j'aurais au contraire attendu que Sophia revienne. Elle allait donner un concert important, remonter sur scène. Eh ben, on va vérifier que votre petite amie aime autant la musique que vous. Peut-être qu'elle avait envie d'un peu plus, surtout au bout de 6 ans. Elisabeth connaît les termes du contrat et ça lui allait parfaitement. Tout le monde peut changer d'avis. Elisabeth a peut-être eu envie de dessiner une jolie étoile sur une carte. Une étoile dont vous saviez qu'elle accuserait Stelios. Pour la 1000e fois, non. D'accord. Alors, c'est peut-être vous qui ne vouliez plus de votre femme. Je vous en prie, soyons sérieux. Ma femme était brillante, valorisante. Mais Elisabeth est pas mal et jeune. Pas mal et jeune. Mais je vous en prie, soyons sérieux. Si vous aviez connu ma femme... Mais ce n'est pas le cas. Et pour beaucoup, pas mal et jeune... Peut-être un motif largement suffisant pour donner envie de changer de vie, d'environnement social. Et à quel genre d'environnement social ça appartient, ça, pas mal et jeune ? Écoutez, allez-y, allez voir Elisabeth, vous comprendrez vite ce que je vous dis. Mais essayez d'être discret. Je suis lâche, je suis nul, tout ce que vous voulez, je suis pas fier de ça, mais si ça remontait jusqu'au ministère... Oui, bien sûr. Protéger et servir, on connaît ça. En même temps, qu'est-ce qui te prouve qu'Alexandra était proche de sa tante ? Rien du tout. Tu devrais y aller mollo sur le café, Lucien. Ça te rend paranoïaque. Mais c'est vrai. C'est ce qu'elle nous a dit. Mais ça faisait quand même 10 ans qu'elle s'était pas vue avec Sophia. Tu trouves pas ça bizarre, toi ? 10 ans sans nouvelles et tout d'un coup, tadam, coucou, c'est moi. Et alors ? Tu vois tes cousins tous les ans, toi. Arrête un peu. Me reconnais quand même que ton oncle a raison. C'est l'arrivée d'Alexandra qui a permis de relancer l'enquête et de trouver le corps. Le Guénec, nous, tout le monde allait lâcher l'affaire. Et comme le tontoncle l'a très justement dit, et j'insiste, sans corps, pas d'héritage. Salut les garçons. Salut. Bonjour Alexandra. T'as bien dormi ? Dormir, ce serait déjà bien. Dis-moi Alexandra, tu t'appelles Hoffman, c'est ça ? Oui, c'est le nom de mon père. Et le père de ton père, il aurait pas fait la guerre des fois ? La première ? T'aurais pas des lettres, des notes, ce genre de témoignage ? T'es sérieux Lucien ? Tu peux pas te retenir ? Ça aurait été avec plaisir Saint-Luc, mais j'ai rien qui pourrait t'intéresser. Je sors, à tout à l'heure. Tu vas où ? Faut que je me change les idées. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, non, j'ai besoin d'être seule. M'attendez pas, hein ? Tu veux que je vienne avec toi ? Ah, ça va, mais... On n'est même pas sûr que le corps soit celui de Sophia. Ah bon, t'y crois pas, toi ? Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ah ben moi, ce que je vois, c'est qu'Alexandra est en train de partir avec la voiture de Sophia. Tu le crois, ça ? Non, c'est pas possible. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Saint Thomas. Bon, Cyril, assieds-toi bien. On s'assoit correctement pour dîner. Non, mais mets pas les coudes sur la table. Mais qu'est-ce qu'elle t'apprend, ta mère ? Et qu'est-ce qu'elle fait, surtout ? C'est sûr. Si t'allais chercher le dessert, Cyril, dans la cuisine. Je désolée de vous avoir planté, j'avais besoin de me changer les idées. Mais si je dérange... Oh, le beau gâteau. C'est Mathias qui l'a piqué au resto. Mais non, pas du tout, je l'ai pas piqué. Installe-toi, Alexandra. Tu vas pas rester debout pour manger le gâteau que tonton Mathias a piqué, quand même. Mais je ne l'ai pas piqué, je l'ai fait spécialement pour l'occasion. Enfin, c'est Georges qui l'a fait, il est revenu ce matin pour nous aider un peu et heureusement... Alexandra, je t'en prie, installe-toi. Ne reste pas debout pour manger le gâteau que tonton Mathias n'a pas piqué. Je viens de donner un coup de main. J'aimerais autant que ce soit Mathias. Oui, Mathias a son compte de vaisselle au dehors. Je m'en sors très bien tout seul. Tu t'en sortiras pas plus mal en me donnant une assiette. Allez, je vais pas te supplier. Tu sais quel est le truc du Moyen-Âge qui m'a le plus marqué? Enfin, je veux dire, le seul truc. Un fer rouge? Non, le crétin de chevalier sur son destrier. Il est fier, il chevauche, il fait la guerre. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, il se raconte que son cœur est vide. Et il a beau tout faire pour planquer ça sous des costumes arriérés. Ce qu'il veut, au fond, c'est que quelqu'un occupe ce vide. Et je trouve ça touchant, faut pas croire. Donne-moi cette assiette. Mais là-dedans, il y a quand même une grosse erreur d'appréciation. Écoute-moi bien, le crétin des tranchées. J'en sais bien plus long que toi sur le vide. Et laisse-moi te dire que le vide prend plus d'espace que n'importe quel plein. La lucidité. Marc, écoute-moi. Tu n'es pas un imbécile. Et je ne dis pas que tu as installé la petite ici pour te jeter sur elle, pas du tout. Et d'ailleurs, les distractions sont nécessaires au pauvre type enfoncé dans sa tranchée boueuse. Mais il est bon aussi que ce type croise parfois un autre type. Un autre type qui n'est pas son ennemi. Et qui puisse lui dire qu'il y a un risque pour qu'il n'arrive pas à s'en tenir à la simple distraction. Un risque pour qu'il se mette à aimer. Et là, catastrophe, Marc. Catastrophe. Allez, c'est bon, j'en ai assez entendu, on a fini. Marc, écoute, on a négocié un truc avec ton oncle. Il veut bien faire une espèce de répétition avec Alexandra. Une répétition? Un genre de brief, quoi, pour la préparer à l'interrogatoire de Le Guénec. C'est mon oncle qui a proposé ça? Une sorte de remerciement pour la filature de Roliveau. C'est pas mal, non? Et Alexandra, vous lui en avez parlé? Elle trouve que c'est une très bonne idée. Et nous, on pourra reparler de tout ça après, d'accord? On l'aide, et comme ça, on lui laisse discrètement l'opportunité de s'expliquer. Ça pourrait se passer en douceur, sans que personne ait le sentiment d'être trahi. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez prévu ça pour quand? Demain matin, dans ta piole. Alexandra avait peur que ça perturbe ton travail, mais je lui ai dit que franchement, elle n'avait aucun souci à se faire. Je suis là. Monte. Bon, je te préviens, Alexandra, ça risque d'être un peu éprouvant. Assieds-toi là. Mais ça fait partie des techniques de flics classiques, hein. Et dis-toi que ce ne sera rien en comparaison de demain. Je vais te demander gentiment des choses que Le Guénec t'extorquera durement. D'accord? D'accord. Garde bien en tête qu'un flic sait quand tu lui mens. Et peu importe les raisons, si tu mens, il te colle direct en haut de la liste. Et en plus, tu l'agaces prodigieusement. Les fonctionnaires ont horreur qu'on leur fasse perdre leur temps. Ok, allez-y. Tu veux boire un truc? Ou vous voulez que je coupe du pain? Non. Les gars, s'il vous plaît, on se concentre. Oui, c'est pas la peine de me regarder comme ça, les petits seins. Je ne crains rien, ni de l'oncle, ni de Le Guénec. C'est moi qui ai insisté pour qu'on rouvre l'enquête. Justement. Le Guénec te demandera certainement pourquoi tu es arrivé à point nommé pour relancer l'enquête, et qu'on découvre tout de suite après le corps de ta tante. Je vous l'ai dit, je suis venue parce que Sophia me l'avait proposé. Si j'avais quelque chose à voir là-dedans, je vois pas pourquoi j'aurais voulu qu'on retrouve son corps. C'est complètement con. Parce que sans corps, pas de mort. Et sans mort, pas d'héritage. Sauf que c'était prévu que je vienne, bien longtemps avant qu'elle ne disparaisse. J'avais besoin de partir et c'était un secret pour personne. Sauf pour ta mère. Comment ça? Ils ont appelé ta mère. Elle savait que tu t'installais à Paris à cause d'un chagrin d'amour. D'ailleurs, selon elle, un doux euphémisme pour ce que tu as traversé. Mais elle ne savait pas que tu allais chez ta tante. Tu lui as parlé d'amis. C'est bizarre, non? Oui, ma mère a toujours été un peu jalouse de Sophia. Je voulais pas qu'elle s'imagine que je la quittais pour sa sœur. Et Greg se monte vite la tête pour ce genre de conneries familiales. Oh, mais maintenant qu'elle le sait, elle va complètement paniquer. En plus, la prendre des flics. Laisse tomber l'horreur. Arrête de jouer à ça. Tu es une petite provinciale désespérée, avide de revanche. Avide de revanche? Mais n'importe quoi, quelle revanche? Ne m'interromps pas. Tu es une déçue de la vie, ça se voit. Toute seule avec ton môme. fauché comme les blés, comme ta mère. Alors que Sophia a tout, c'est dégueulasse. Pourquoi elle et pas vous? Ça va pas ou quoi? J'adorais ma tante. Défense puérile. Une niaise. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces conneries? On a un mobile. Tu n'as pas vu ta tante depuis 10 ans et tu viens me chanter que tu l'aimes? Ah, ça va bien les faire marrer. Tu parles d'une nièce aimante. Pourquoi t'es venue en train? Quoi? Tu as une voiture à Lyon. Pourquoi t'es venue en train? Mais comment vous savez ça? Pourquoi tu allais vendre ta voiture la veille de ton départ? Et en plus dans un garage loin de chez toi? Attendez, vous m'interrogez là? C'est le but, Alexandra. Non, non, je veux dire, vraiment. Ne me prenez pas pour une conne. Vous avez appelé les garages et ma mère? Vous me cuisinez pour de vrai? Vous avez des doutes? J'y crois pas. Un flic a toujours des doutes. Non mais je rêve! Vous dites que vous voulez m'aider, mais vous croyez pas un mot de ce que je vous dis? C'est dégueulasse! On te croit, Alexandra, c'est juste que... Ta gueule, Marc! C'est dégueulasse ce que vous faites, c'est carrément... Oh, ok, allez, on arrête là. Alexandra, tu dis que tu n'as rien à craindre des flics et tu ne supportes même pas le début d'un interrogatoire. Mais c'est vous qui me faites péter les plombs! J'ai pas le droit de vendre ma voiture! Elle était déglinguée, je voulais pas faire la route jusqu'à Paris avec Cyril dedans. En plus, elle me rappelait plein de mauvais souvenirs, voilà, c'est tout, putain, c'est vous qui m'emmerdez avec ça! Oh, c'est bon là, tout le monde se calme, ça suffit là. Oui, c'est nous qui t'emmerdons avec ça. Je vais même continuer, suis bien le raisonnement. La semaine dernière, tu confies Cyril à ta mère, et tu viens à Paris avec ta bagnole, qui n'est pas si déglinguée que ça, d'après le garagiste. Mais je vous ai dit qu'elle me rappelait des trucs, merde! Alors pourquoi ne pas l'avoir vendue plus tôt? Mais parce qu'on hésite toujours! Avec les souvenirs, vous savez ça quand même, non? Merde! Non, Alexandra, ne jamais dire deux fois merde à un flic. Ok, là j'en ai marre, je sors. Tu vas où? Je vais faire un tour. Encore? Oui, encore. Si vous voulez appeler les flics et me faire suivre, allez-y. J'emmène Cyril. Pourquoi t'as fait ça? C'était pour elle, je te signale. Tu parles, c'est ton putain d'ego. Ça t'a pas servi de leçon la dernière fois? Tu veux recommencer comme avant? Bon, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait avoir des problèmes en la logeant ici, non? Non mais vous vous entendez, là? Cette fille est toute seule, sa vie est en train de s'effondrer et vous êtes en train de la juger. Marc, on ne la connaît pas, cette fille. On ne va pas tous plonger dans les emmerdes parce que tu es incapable d'être objectif. C'est-à-dire? Pourquoi je ne serais pas objectif? Précise ta pensée. Tu la veux, Alexandra. Ça se voit. Et tu sais quoi? Tu vas encore te planter, c'est pathétique. Et toi, Mathias, tu dis rien? Je sais pas trop quoi en penser. Je vois. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais faites ce que vous voulez, mais j'ai de la peine pour vous et pour le monde horrible dans lequel vous vivez. Bon. Marc, je sais que tu dors pas. Et tu sais aussi que j'ai pas envie de parler. Et je sais aussi ce que tu penses. Si tu veux tout raconter aux autres, vas-y. Mais avant, laisse-moi te dire que tu te trompes. Sur ce coup, s'il te plaît, épargne-moi et épargne-toi. Je peux vous servir, quoi qu'il arrive, et quoi que tu en penses. Qui sait ? Dehors en plus. Ça valait bien le coup que je m'emmerde à réparer la chasse d'eau. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui te prend d'appeler ici? T'es complètement folle. Ils ont retrouvé un corps. Tu te rends compte de la merde dans laquelle on... Je sais pas, moi, dis-leur ce que tu veux. Attends, quitte pas. Oh, monsieur Chimé, monsieur Oliveau, comment ça va? Il paraît qu'ils ont retrouvé un corps, je suis vraiment désolé. François, je peux vraiment pas vous parler, là. Aux infos, ils ont parlé d'un incendie criminel. Écoutez, vous laissez le courrier dans la boîte, s'il vous plaît. Oh, je suis vraiment désolé. Tu ne m'appelles plus, c'est clair? C'est moi qui t'appellerai. Écoutez, Françoise, vraiment, là, je... Bonjour. Je ne vous dérange pas. Inspecteur Le Guenec, non. Enfin, j'allais partir. Eh ben, vous allez venir avec moi. Il y a eu du nouveau. Vous savez, le truc qui marche à tous les coups? Le truc que tout le monde croit que ça va être comme dans les films, mais en fait, ça marche pas du tout comme dans les films. Non, mais vous allez me le dire. L'odeur. À Maison Alfort, la voiture a pris feu à cause d'une combustion massive de carburant. Ça sentait l'essence partout. Et la voiture était un diesel. La plupart des gens ne pensent jamais à ça. Ils aspergent tout d'essence, copieusement, pour faire croire que c'est un court-circuit dans la voiture. Mais ils n'ont pas fait gaffe que la voiture était un diesel. Et donc, ils prennent les inspecteurs pour des cons. Je ne vous prends pas pour un con, monsieur Le Guenec. Je suis épuisé, et terrifié, et consterné. Ça fait un mois que j'ai pas vu ma femme. Vous me dites que vous avez peut-être retrouvé son corps, après vous me dites que vous n'êtes sûr de rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, par exemple... Dites-moi si vous reconnaissez cette petite pierre noire. On l'a retrouvée dans la voiture. Elle a étonnamment bien résisté au feu. Les analyses ont montré qu'il s'agit de basalte. Oh mon Dieu. C'était... Vous reconnaissez cette pierre? Sophie avait ramassé ce galet sur une plage de Grèce le lendemain de son premier succès. Mon Dieu, c'est elle, c'est son corps. Bon, pour l'enregistrement, monsieur Reliveau reconnaît formellement la pièce à conviction. C'est ma femme. Je suis désolé. On va vous raccompagner. C'était Debout les morts de Fred Vargas dans une adaptation de Claire Leluerne. Cinquième épisode avec Manuel Valade, Marc. Duncan Evenou, Mathias. Emmanuel Suarez, Lucien. Patrick Zimmermann, Van Dossler. Olivier Clavry, Le Guenec. Élodie Hubert, Alexandra. Pauline Bell, Cyril. François Loriquet, Pierre. Martine Chambacher, Françoise. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre-Henri. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.